Je vais maintenant vous donner le passé du verbe porte-manteau « pouvoir ». En allemand, le verbe porte-manteau « können » a comme forme au passé « konnten ». Konnten. Konnten pour « nous pouvions »,« wir konnten », et « vous », »,« vous que je vous vois pouviez », »,« sie konnten ». Alors, à votre avis, comment dira-t-on « je pouvais » ? Ich? Ich konnte? Bien sûr. Ich konnte. Et il pouvait? Er konnte? Er konnte. Donc, c'est le même konnte, konnte. Konnte pour je, ich konnte, pour il ou elle au singulier, er konnte, sie konnte, ou cela, es konnte. Mais pour nous et le vous de politesse, c'est konnten. Alors, par exemple, si vous voulez dire « je ne l'ai pas trouvé » en allemand, vous pourrez dire plus facilement « je ne pouvais pas le trouver ». Comment diriez-vous « je ne pouvais pas le trouver » ? Ich konnte. Ich konnte. Es nicht. Ich konnte es nicht. Trouver. Comment trouver son portable qui sonne sous un coussin? Il faut avoir l'oreille fine. Finden. Ich konnte es nicht finden. C'est ça, puisque konnte est un verbe porte-manteau, vous n'avez pas à réfléchir. Le verbe qui suit est tout simplement à l'infinitif. Ich konnte es nicht finden. Et si vous voulez dire « je ne vous comprenais pas », c'est-à-dire « je ne pouvais pas vous comprendre ». Ich konnte, konnte sie nicht verstehen. Ich konnte sie nicht verstehen. Littéralement, je ne pouvais pas vous comprendre. Donc, vous voyez, vous n'avez pas à chercher la forme pour comprenez dans je ne vous comprenais pas. Non, il vous suffit de penser au passé du verbe porte-manteau et à y accrocher le verbe à l'infinitif. On a alors je ne pouvais pas vous comprendre. Ich konnte sie nicht verstehen. Ou konnte est le passé du porte-manteau können. Hier se dit gestern. Gestern, ça s'écrit G-E-S-T-E-R-N. Gestern. À vous. Gestern. Gestern, hier. Et comment dites-vous soir? Abend. Abend. Donc hier soir, ça sera gestern Abend. Alors, comment direz-vous « nous pouvions le faire hier soir » ? Wir konnten es gestern Abend tun. Wir konnten es gestern Abend tun. Très bien. Et comment direz-vous « il ne pouvait pas aller là-bas avec nous hier soir » ? Il ne pouvait pas. Er konnte nicht. Avec nous. Mit uns? Mit uns, oui. Hier soir? Gestern Abend? Aller là-bas. Dorthin gehen. Er konnte nicht mit uns gestern Abend dorthin gehen. Bien. Er konnte nicht mit uns gestern Abend dorthin gehen.